il avait un jeu de caisse claire, net et vif. On l'appelait Snap Crickle, car il avait ce génie du contre-temps. Il s'appelait Roy Ayres. La nuit des temps, Radio Duo. Mesdames et messieurs, Roy Ayres. Disappear, a lot of fear and doubt. Did the most, now we're here, you gotta hear me out. inside my head cloud. Attention, chef-d'œuvre. On puise dans les archives de la ville machine. Saint-Étienne, mais il y a aussi Détroit. Alors bien sûr, on connaît la soul et la techno, mais moins la scène jazz fusion qui a explosé à Détroit dans les années 70. Et l'un des princes de ce jazz à danser, c'était Lyman Woodhart, avec son orgue Amanda. Jazz, funk, latino, brass band, tout y est. Thank you. La nuit des temps, l'international de la danse. Sur ses positions, se divertir pour me faire diversion, changer tes corps comme de la décoration. À la première occasion, s'élancer, avancer, à reculer, suis la lancée, attaque mon tatou, s'encrouter pour tourner en rond. La pureté, c'est pas vraiment notre truc dans la nuit des temps. About to set sail. La nuit des temps. C'est l'album pivot dans la folle carrière de Britney Spears. In the Zone sort en 2003 et le premier titre enregistré est The Touch of My Hand. C'est une masterclass pour le plaisir féminin en solo. Et un plaisir qui est une bombe velours. Une bombe velours qui n'est pas sans rappeler Janet Jackson, cette autre star du R&B aux productions géniales et qui a réussi à se relever des démentielles attaques machistes. I'm not ashamed of the things that I dream. I find myself flirting with the verge of obscene. To the unknown, I will be bold. I'm going to go places I can be out of control. La nuit des temps, l'international de la danse. There's a world of- listen to me. All girls wanna be fame and enemies. Vain economy, genuine jealousy. Sharp stiletto heels, bisexual dynasty. That's what it's meant to be. Nothing's too extreme. Sex in a limousine, naked in magazines. Natural bit of me, blame in the dopamine. The grand infinity, the air, the adrenaline. It's the feminine energy. L'underground Cobra, comme la mainstream Britney, développe une esthétique de la dance souvent axée sur l'exploration, la sensualité. Nous sommes en 2023, nous sommes en Suède, et c'est l'heure de la féminine energy. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my Le contrebassiste Charlie Mingus n'est plus tout jeune lorsqu'il s'entoure de jeunes musiciens dont le pianiste Don Pullen. Et là, il mixe avec génie le jazz, le groove et son éternelle avant-garde bebop. Big Alice est l'une des merveilles tirées de son album Mingus Move. Nous sommes en 1973 et le jazz et la dance ne font qu'un. La nuit des temps, Radio Duo. Calling Fly Seafood Records where we buy and sell records. What the hell you want, boy? Man, I gotta take a shit. Oh, yo. Yeah. You fucking calling Fly Seafood Records and Tape, but we also buy and sell CDs, DVDs, CDs, PlayStations, Nintendos, any game station you want. Homie Mark got some weed in the back if you need that. We in Cali, so I can promote anything, and we legal, you know, no warrants, nobody coming together. But yeah, come pull up, get you some, you know, might get you a new record. We got the new, we got a lot of new shit for, you know, got new Liv, got new Kid, you know what I'm saying? We got some, you know, some V-Kool-Aid, we got some Holly, you know what I'm saying, Block, you know what I'm saying? We got some Unicademy, got a lot of things, you know, in store, you know what I'm saying? Got some shit for the sisters, bitches, hoes, kings and queens, you know what I'm saying? All the niggas involved. So, yeah, come tap in, you know, pull up, you know, bring somebody, bring your baby, bring your face, bring some diapers, you know, it's shit everywhere. Fly Seafood Records and Tapes, you know, do it at your beat, nigga, get on your shit. Fly Seafood Records and Tapes, if you not a nigga, you can't say nigga, but pull up, my nigga. What you know is real. keep on rolling right along. Yeah, yeah, yeah. Retour à la machine à danser. Retour à la machine mentale. Retour à Détroit avec notre fantastique powerplay de la semaine. The Lehman Woodard Organization. Et nous sommes en live en 1975. C'est la Deep House, généreuse, du pionnier Ron Trent. Flos Potentia. Ici Chicago. Et nous sommes en 2022. Thank you. something. That fit the pocket good. Yeah, I don't know what to do, but it fit really nice, you know. I'll check it out. Okay. One, two, three. Et voilà, c'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club. Je rigole parce que c'est Marvin, et j'adore Marvin. Alors on a accueilli ce soir sur le dance floor un petit air de déjà vu. Déjà vu, avec la soul des sales gosses d'Iron Knowledge. La caisse plus que claire du batteur Roy Haynes qui vient de nous quitter, malheureusement. Et encore une virée dans l'une de nos villes préférées, qui est Détroit, avec notre power play de la semaine. Vous avez entendu The Lyman Wood Art Organization. Il y avait également la toute jeune Junior, qui dit à quoi bon ? Les B-52s, qui un jour ont rencontré Britney. Et puis Britney en solo, bien sûr, Britney Forever. Et sa petite sœur est provocante, Cobra. Et Betty Davis, oui, c'était la femme de Miles Davis qui lui aura ouvert les portes vers la soul et le funk. Merci Betty. Libre et rageuse, Betty. Il y avait Charlie Mingus aussi, car peut-on imaginer vivre dans un monde sans basse ? Et il y a quelques instants, Ron Trent pour sa house profonde et généreuse. Marvin nous invite à lever les yeux vers le ciel. On regarde l'antenne de la RKO sur les collines autour de Saint-Étienne, qui brille et qui émet le son de Dio. On pousse le son au maximum pour électriser le ciel de Saint-Étienne. Encore quelques bonus de la nuit des temps pour atteindre tranquillou les 22h. À noter. Salut! La nuit des temps, l'international de la danse. Vous écoutez Radio Duo, il est pile 22h et dans quelques instants, c'est la joie, c'est la rage et c'est le courage et un petit peu de sueur. Restez bien sur le 89.5.